4. Jeter des bouteilles à la mer, ils traduisent le langage des étoiles du désert. L'oreille entend les frissons de la terre. Sur les murs de béton, l'avenir ils écriront. Depuis la nuit des temps, toucher l'arbre et le sacré se moque de la folie, de l'or et de la gloire. Ils connaissent les pièges, la morsure des cités, l'usure des mots, le pourquoi de l'histoire. Marchez, marchez, le tonnerre en mémoire. Marchez, marchez, de colère et d'espoir. Que ce temps chavire, dans les rêves ils ont vu les détours, les délires. Tout est lié, l'eau, le feu et la pierre. Ils ont fait le tour des prisons, des chimères. Ils écriront de leurs pleurs.